Les deux taureaux et une grenouille. Fable quatrième du livre deuxième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Les deux taureaux et une grenouille. Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'empire. Une grenouille en soupirait. « Qu'avez-vous ? » se mit à lui dire quelqu'un du peuple coassant. « Eh, ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries. Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais régner sur les roseaux, et, nous foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé Madame la génisse. » Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux en leur demeure s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. Fin de Les deux taureaux et une grenouille. Fable quatrième du livre deuxième des fables de La Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public.